Talk to me today. Parle-moi ce soir. Son nom, mon Lord. Ce soir, nous sommes venus te rencontrer. This evening, we've come to encounter you. Tu es le chef de notre foi. You are the master of our faith. Tu es celui qui convoque les extrémités de la terre. You are the one who calls from the last part of the world. Tu nous as chargé d'être la lumière des nations. You've called us to be the light in front of the nations. Et de porter le salut aux extrémités de la terre. And to bring the salvation to the merci, last Seigneur. The world. Thank you, Lord. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Merci, Père. Thank you, Father. Pour ta présence. For your presence. Nous réjouissons ta présence. We are happy for your presence. Nous sommes contents de toi, Seigneur. We are so contented to you, tu God. Nous as fait du bien. You have done us well. Tu veux encore faire du bien. And you are going to do good to us. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Father, you've helped us thus far. Yahweh. Reçois la gloire. Receive all glory. Reçois l'honneur. Receive all the honor. Reçois la puissance. Receive the power. Au siècle des siècles. Forever and ever. Bénis ta parole ce soir. Bless your word this evening. Parle à nos cœurs. Speak to our hearts. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous soumettons tout esprit et toute chair. We leave every spirit and every à l'obéissance à Christ. Under the obedience of Christ. Que tout soit soumis. May everything be submitted to you. Nous soumettons nos cœurs à toi. We submit our heart to you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Amen. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. You may sit in the presence of the Lord. Vous salue au nom du Seigneur. I greet you in the name of the Lord. Est-ce que la joie est là? Are you happy? Vous sentez que vous êtes présent? Do you feel like you are present here? J'étais en train de me poser une question quand j'étais assis là-bas. I was asking myself a question when I was sitting there. Et je me dis qu'est-ce qui se passe? Now I was asking what is happening? Il y a comme une rupture. As if there is a cut off. Entre l'estrade. Between the pulpit et ceux qui sont là-bas. And the people who are sitting there. Et après j'ai réfléchi. And after then I thought, j'ai compris que c'est le problème de la langue. I understood that it was the problem of the language. En fait, to the language barrier. On s'exprime plus facilement quand on parle dans sa langue. Maybe you can speak very quickly when you speak in your language. Je ne sais pas si c'est votre conclusion aussi. I don't know if that's your conclusion. Mais j'aimerais vous dire. But I want to tell you. Que lorsque nous le faisons en anglais, when you do it in English, c'est prophétique. It's prophetic. Alléluia. Amen. Ce que nous faisons ici, whatever we do here, n'est pas juste ce que nous voyons. It's not whatever we are seeing. Le Dieu des cieux, the Lord in heaven, qui nous envoie aux nations, has sent us to the nations, va nous faire passer par des circonstances circumstances prophétiques. Prophetic comme celui-ci. Like this one. Où nous allons chanter en anglais sans connaître l'anglais. Where we are going to sing in English without knowing English. Tournez un peu ce baffle par là. Frère. Tournez-les vers là. This one. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si quelqu'un est dans la joie, j'aimerais qu'il acclame bien le Seigneur. If someone is happy, you can clap and shout for the Lord. Réjouis-toi devant le Seigneur. You can celebrate in the presence of the Lord. Il n'y a pas de tristesse ici. No sadness here. Il n'y a pas de deuil ici. There is no mourning here. Il n'y a pas de mort ici. There's no one who is dead here. C'est la vie. It's life. C'est la vie. It's life. Et la vie effective. And the effective life. Nous voulons parler. We want to speak. De la vie abondante. Abundant life. Alors, commence à baigner dans cette now start swimming ne sois pas à l'écart. Don't be out. Pénètre dedans. Enter in. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un loue le Seigneur. Quelqu'un crie pour le Seigneur. Des cris de joie à Dieu. Shout for the Lord. Asseyez-vous devant le Seigneur. You may be sitting in the presence of the Lord. Alléluia. Amen. C'est pour moi un privilège d'être avec vous ce soir. It's my privilege to be with you this evening. On s'est vu au pays. We have met there in the country. Avec certains d'entre vous. With some of you. Pour les autres. And of some others. C'est ici qu'on se voit. It's here where we've met for the first time. Je m'appelle Eston. I'm called Eston. Kasereka. Kasereka. Je suis marié. I'm married. À une seule femme. One wife. Elle s'appelle Rosette. She's called Rosette. Elle pourrait être là peut-être. She was supposed to sit there, maybe. Elle est partie prêcher à la conférence à Abigail. But she went to minister to the Abigail conference. Dieu nous a bénis avec 6 enfants. God has blessed us with 6 children. Le dernier a 10 ans. The last born is 10 years old. 10 years old. Le premier a 24 ans. The first born is 24. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, frères et sœurs. Listen, brothers and sisters. Dieu a besoin que quelqu'un pénètre dans la vie abondante. God needs that someone can be born Nous from abundant life. Nous ne pouvons pas rester sur cette terre. We can't remain in this earth. Comme si Dieu n'existait pas. As if God does not exist. Notre séjour sur la terre est une mission. Our journey in here on earth Nous is a mission. Nous ne sommes pas juste sur la terre. We are not just for anywhere Dites à ton voisin, tu n'es pas juste là. You are not just here on earth. On n'est pas juste ici. You are not just there. Nous sommes ici pour une mission. We are here for a mission. Et cette mission, and that mission s'est traduit en deux choses. Is translated in two things. Nous sommes lumière des nations. We are the light of the nations. Et nous sommes porteurs de salut. And also we are transporters of salvation. Jusqu'aux extrémités de la terre. Up to the borders of the earth. Et votre présence ici. And your presence here. C'est juste un pas. It's just a step. Dans une nation voisine. In the foreign country. Si tu crois, tu acclames le Seigneur. If you believe, you can clap for the Lord. Vous voyez, c'est ça paraît encore ce qu'on appelle les petits commencements. So you see, this is just a small beginning. Mais c'est un pas. But just one step. Dans une nation voisine. In a foreign country. Alors, ne te regarde pas comme si tu es inutile. So don't look at yourself. Don't underestimate yourself. Tu es une main de Dieu. You are the hand of God. Dans une nation voisine. In the foreign country. Pour y apporter quoi? To bring what? Le salut. Salvation. Le salut. Salvation. Notre thème. Our theme. Nous l'avons annoncé. We have announced it. La vie abondante. Abundant life. Virgule. Comma. C'est possible pour toi. It's possible for you. Écoutez, frères et sœurs. Listen, brothers and sisters. J'ai pris le temps de regarder ce qui se passe autour de nous dans ce quartier, dans la ville. I've taken time to see what is going on in this Et lorsque community, tu regardes town, les masses de gens, les êtres humains marcher, when you see the crowd of people walking, lorsque tu vois les gens dans des voitures, when you see people in their vehicles, lorsque tu vois des gens dans des transports en commun, when you see people in taxis, tu vas remarquer deux choses ou trois. You'll understand two things or three. Tu vas constater ceci. You'll understand this. Moins de gens, few of them, paraissent vraiment heureux. They appear happy. Faites l'exercice. You can exercise yourself. Si nous sortons ensemble au balcon ici, if we live there in the balcon, vous allez me donner raison. You'll give me the reason. Moins de gens, few of people, paraissent vraiment épanouis. They just appear extended. Même quand vous jetez le coup d'œil dans les voitures, even when you look at the people in their vehicle, même dans des grandes voitures, even the big vehicle, vous allez constater, you'll understand that, que la plupart ils sont plutôt déçus. That some of them are kind of disappointed. Certains sont quelque peu incertains. Also, some of them are not sure. Il est à son volant. Just they are driving himself Mais or herself. Mais tu peux constater qu'il ne sait pas ce qui se passe avec lui. But you understand he doesn't know what is going on with him. Il ne sait pas il va où. He doesn't know where he's going to. Il ne sait pas ce qui lui arrive. He doesn't know what is happening to him or her. Certains même, some of them, au volant, while driving, sont inquiets. They are just there wondering. Et quand vous rentrez dans les marchés, now when you go back to the market, dans des boutiques, or in the shops, vous allez constater you'll understand that, que les gens sont quelque peu gentils, that some people are hospital, mais comme en carton, but which is like a carton. Ils vous accueillent bien. They can welcome boss, you warmly. Yes, boss. Les uns disent fiancé. Some can say my fiancé. Certains vont même plus loin pour dire chérie. Some can go far saying oh my beloved. Ça c'est moins cher. Mais tu vas te rendre compte. But you'll understand that. Que toute cette vie là est mécanique. All that life is mechanic. Rien n'est vrai. Nothing is real. Rien n'est sincère. Nothing sincere. Ce sont des manipulateurs. They are just manipulating Ils people. Ont juste besoin de ton argent. They just need your money. Il faut tout simplement que tu achètes bien. They just do everything that you buy something. Quel est le problème? What is the problem? Un certain jour, Jésus marchait dans les rues de Galilée. One day, Jesus was walking in Galilee. Il était avec ses disciples. He was with his disciples. Et puis, il s'arrêta un moment. And they stopped somewhere. Et leur dit, and told them, la moisson est grande. The harvest is plenty. Mais il y a peu d'ouvriers. But the workers are few. Mais quand vous lisez le verset précédent, but when you read the after verse, il est écrit, it's written, dans Matthieu 9, 35. Matthew chapter 9, verse 35. Regardez cela avec moi. Please, you can go there with me. Matthieu 9, 35. Matthew chapter 9, verse 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Jesus went through the towns and villages. Et il enseignait dans les synagogues. Teaching in their synagogues. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Proclaiming the good news of the kingdom. Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Healing every disease and illness. Voyant la foule. When he saw the crowds, il fut ému de compassion. He had compassion pour on elle. Them. Parce qu'elle était languissante. Because they were harassed. Et abattue. And helpless. Comme des brebis. Like sheep. Sans berger. Without a shepherd. Alors, il dit à ses disciples, then he said to the disciples, la moisson est grande, the harvest is plentiful, mais il y a peu d'ouvriers. But few are the workers. Priez donc le maître de la moisson, ask the Lord of the harvest, d'envoyer des ouvriers, therefore to send out workers, dans sa moisson. Into his harvest field. Jésus allait de lieu à lieu. Jesus was going from place to place. De même comme nous aujourd'hui à Kampala. The same way we find ourselves here in Kampala. Nous sortons le matin, nous rentrons le soir. We leave in the morning, we go back in the evening. Et nous nous frottons avec les hommes et les femmes qui vont, qui rentrent, qui partent et qui reviennent. At times we meet people going in and coming in. Mais le problème, souvent, nous ne faisons pas beaucoup attention à ce qui est autour de nous. But the problem, we don't pay attention of what is going on around us. Nous ne nous rendons pas compte de ce qui est dans les cœurs. We don't understand what is going on in the people's nous hearts. Nous ne percevons pas le vide. We don't see the emptiness dans les cœurs. In the heart. Il se peut même que nous ne nous percevons pas comme vides. We don't even understand that we are also empty somewhere. Parce que si tu es vide, because if you are empty, tu as besoin qu'on te comble. So you don't need to be filled. Tu as besoin, tu désires qu'on te comble. So you desire to be filled. Et quelqu'un qui est vide n'a rien à donner à un autre. Doesn't have anything to give to another. C'est pourquoi quelquefois nous sommes insensibles. That way sometimes we are not sensitive. Envers les gens qui nous frottent. About some people who are just passing by us. Nous sommes insensibles. We are not sensitive. Avec les gens qui travaillent avec nous dans nos bureaux. With the people working with us in our offices. Ou qui travaillent avec nous dans nos affaires. Or people who are with us in our businesses. Parce que nous ne nous rendons pas compte. Because we don't understand that. Qu'on ne peut donner que ce qu'on a. That you can only give whatever Et you have. Et quand on n'a rien. If you don't have anything. On n'a rien à donner. It means you don't have quand on n'a rien, when you have nothing, on a besoin de recevoir. You need to receive. Et Dieu nous a voit ce soir now God wants us pour que today, quelqu'un reçoive. That today someone will receive. Qu'il reçoive. May you receive. Et qu'il reçoive quoi? And receive what? La vie. Life. La vie abondante. Abundant life. La vie abondante. Abundant life. Jésus Jesus descend sur la terre. Came here on earth. Et il dit, and he said, le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. That the thief comes to dans steal, Jean to chapitre 10, and to kill. Verset 10. It's in John chapter 10, verse 10. Le voleur vient pour voler, détruire, égorger. That the thief comes to destroy, to Mais kill, moi and je suis venu come, afin que les brebis aient la vie that the sheep may have life, et qu'elles l'aient en abondance. And have it abundantly. La vie life, et la vie. And life. J'aime cette tautologie. I have that tautology. Que mes brebis aient la vie. That my sheep may have life, et qu'elles aient cette vie-là and have that same life, en abondance. Abundantly. Dans le concept d'abondance, in the concept of abundance, je vais revenir sur cela après. I'll come back to that later. Il y a la notion du débordement. There is the way of overflowing. Il y a la notion de plénitude. Then the word of being plenty. Donc Jésus, and Jesus, ne voudrait pas se limiter. Do not want us to be limited. À juste nous donner la vie. Just to give us life. Il veut s'assurer. But he want to be sure que non seulement nous recevons la vie, that not only we've received mais life, que nous la recevons mais that en abondance. Abundantly. En abondance. Abundantly. La vraie vie. The true life. Une vie pleine et joyeuse. Life which is full of joy. Une vie qui compte. In life which is accountable. Alléluia. Amen. Qu'il l'ait en abondance. May they have it in abundance. Permettez-moi de définir ces quelques concepts. Accept us me to give you the definition la of these vie words. Life dans ce texte, in this text, comme dans certains autres textes, or in other texts, est défini comme en grec zoé. In Greek, it means zoé, qui veut dire, which means le genre de vie dont Dieu vit. The kind of life which God lives. C'est-à-dire la vie dont Dieu vit. It means the life which God is living in. C'est-à-dire la vie de Dieu. It means the life of God. Cela est compris aussi comme and it's also understood as la plénitude absolue de vie. That to be plenty of life. La plénitude absolue de vie. The fullness of absolute. The absolute fullness of life. Uh-huh. Vous voyez, ça commence à venir aussi mon anglais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zoé, compris comme la plénitude absolue de vie. It's the absolute fullness of God. Qui est à la fois essentiel, which is at the same time essential, et moral, and also moral, et qui appartient à Dieu, and which belongs to God. Cette vie est essentielle. That life is essential or cette important. Vie est morale. That life is moral. Il ne s'agit pas simplement de la vie physique. It's not only about physical ou life, la vie dans les muscles. Or life in our muscles, mais c'est essentiel. But it's very essential. Quand vous manquez l'essentiel, when you lack the vous êtes essential perdu. Thing, you are lost. La vie de Dieu, the life of God, la Zoé, or Zoé, c'est une vie essentielle. It's the life which is essential, qui coule du cœur de Dieu. Which flows from the heart of God. Cette vie dont Dieu vit. That life which is lived by God. Quand tu rencontres Dieu. When you meet with God. Tu rencontres la vraie vie. You meet with the true tu rencontres life. La vie essentielle. You receive the true tu life. Peux trouver beaucoup de choses sur la terre. You can receive many things on earth. Mais quand tu rates cette vie. But when you lose that life. Tu rates l'essentiel. When you miss that, you miss the essential quelqu'un thing. Quelqu'un dit amen. Someone say amen. Cela est compris aussi comme that's understood also as la vie réelle, the true life, est véritable. The real life and the true one. Une vie active, the active life, est vigoureuse, and also very vigorous, qui est vouée à Dieu, which is committed to God. Et même dans ce monde, and in this world, pour ceux qui mettent leur confiance à Christ, for those who trust Christ, cette vie, that life, conduit jusqu'à à la résurrection et à l'éternité. It takes them up to the resurrection, even up to eternity. Parce que cette vie, because that life, ne peut pas mourir. Can't die. C'est pourquoi lorsque tu meurs, that way when you die, la vie de Dieu, the life of God, et retourne au Seigneur, goes back to the Lord. Et la vie humaine, and the physical life, retourne à la terre, goes back to the dust. Mais la vie de Dieu but the life of God retourne à Dieu. Goes back to him. Regardez. Lorsque Dieu crée l'homme en Éden, when God created man in Eden, il y avait un morceau de terre qu'il a façonné comme une œuvre d'art. There was a clay which he made as a statue. Et la chose est là couchée. And also it was sleeping there, laying down on the ground. Dans Genèse chapitre 7, 2, verset 7, il est écrit. In Genesis chapter 2, verse 7. Et puis Dieu essouffla son souffle dans les narines de cette chose. That God brought breath into the nostril of that thing which was laying down. De cette chose ici. And that thing which was laying down. Et cette chose devint un être vivant. Became a living. Un être vivant. It became a human being. Alléluia. Amen. Alléluia. Thank you. Amen. Avez-vous pu imaginer? Can you imagine? Que dans cette motte de terre. That in that clay which was laying down. La Bible n'indique pas. The Bible does not indicate that. Si Dieu avait d'abord commencé à fabriquer les tubes digestifs. If God started out to fabricate what was the intestine. Si Dieu avait mis les nerfs. Or God made the muscles si there. Si Dieu avait placé dedans les veines. Or maybe God made the nerves there. Les reins. The reins. Le foie. Even les poumons. All that. The liver. Mais la vie de Dieu. But the life of God. Lorsqu'il Dieu souffle dans la chose. When God breathed in that thing. Cette chose devint un être vivant. That thing became a living human being. Ce qui est mystérieux. Which is a mysterious. C'est que ce souffle là. It means that a fabriqué dans cette chose. Fabricated in that thing. Les yeux. Eyes. Regarde ton voisin. Look at your neighbor. Regarde ses yeux. Look at his eyes. Tu vois comment ça fonctionne? You look how it functions. Ça bouge. They just. They tout est prévu dedans. They rotate. Everything has been calculated. Il y a la prunelle. Il y a les nerfs optiques. You have the nerves there. Le souffle de Dieu. The breath of God. A fabriqué tous ces éléments dedans. It fabricated all the things in. La vie qui est en toi, the life which is in you, est un mystère. It's a mystery. Et ce mystère provient de Dieu. That mystery comes from God. Ce mystère, that mystery, provient de la Zoé. Comes from the Zoé. C'est-à-dire la vie dont Dieu vit. It means that the life which God aussi is living longtemps in, que tu es loin de la vie dont Dieu vit. As long as you'll be far from the life of God. Ton séjour sur la terre ne sert à rien. Your journey here on earth is vain. Tu peux avoir les richesses. You can have riches. Tu peux avoir des positions. You can have good tu positions. Tu peux avoir le mariage. You can have the marriage. Tu peux avoir tout ce que tu veux. You can have whatever you want. Mais quand tu rates la Zoé. But when you miss the Zoé. Tu as tout raté. You have missed everything. Si quelqu'un croit ça, dit amen. If you believe in that, you can say amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous voyez, you see, dans Jean chapitre 1, verset 1 à 4. In John chapter 1, verse 1 up to 4. Vous connaissez le texte. Il est écrit au commencement était la parole. The beginning there was the word. La parole était avec the word was with God. Et la parole était Dieu. And the word was God. Et au verset 4. In verse 4. Il est écrit. It's written. En elle était la vie. That in him was life. C'est-à-dire en la parole. It means in that word. Qui était Dieu. Which was God. Qui est Christ. Which is Christ. En la parole. With the word. Était la vie. There was life. Et la vie. And the life. Était la lumière des hommes. Was the light of men. Vous avez vu ça dans votre Bible. You've seen it in your Bible. La vie. The life. La Zoé, or the Zoé était la lumière des hommes. Was the light of men. Dans la parole, in the word, était la vie. Was the life. De quelle vie s'agit-il? Which kind of life is il this? S'agit de la vie dont Dieu vit. It means the life which God lives in. Maintenant, regardez. Now look at this. Nous avons d'un côté la parole. To one side we have the word. Ensuite, la vie. After then, life. Ensuite, la lumière. And after that, after qui sont des choses qui se succèdent correctement. These are the things which are lorsque tu as la parole. When you have the word. Et la parole que je suis en train de vous annoncer. The word which I'm announcing to you. Alors que je l'annonce. When I'm announcing it. En elle. In it. Il y a la vie. There's life. Et lorsque vous la recevez de tout votre cœur, when you receive it with all your cette heart, parole this word, communique à vous la vie. It brings life in you. Elle transmet en vous la vie. It transmits life in you. Et quand elle transmet en vous la vie, when it brings life in you, cette vie-là that life est la lumière becomes the light des hommes. Of men. Autrement dit, another word, la vie life, va chasser les ténèbres. It will chase et qu'est-ce que les ténèbres dans notre vie? What is the darkness in your life? Alléluia. Amen. Est-ce que je vais vite? Am I? Est-ce que ça va? Am I in speed? Are you getting me? Est-ce que ça marche? Is it good with you? Okay. Je disais ceci. I was saying this. La vie, life, est la lumière des hommes. Became the light of men. Oh, la lumière. Yet the light est l'inverse des ténèbres. Is the opposite of darkness. Et qu'est-ce que les ténèbres? And what is darkness? Les ténèbres, darkness, c'est tout ce que l'ennemi a apporté sur la terre dans la vie humaine. Brought in the world by the tout enemy. Ce que le diable a institué sur la terre. Whatever the enemy established on earth. S'appelle les ténèbres. It's called darkness. Maintenant regardez. Now listen to this. Si vous n'avez que la vie humaine, if you have only the human life or cette physical vie life, humaine est faible. This physical life is weak. Par rapport aux ténèbres. When we compare it to the darkness. Le seul secret mystère qui peut faire face aux ténèbres. The only mystery or the secret which can fight against c'est the darkness. La Zoé. Is the Zoé. Et cette semaine. And this week. Tu as besoin. You need. De la Zoé. The Zoé. Tu as besoin. You need. De la plénitude. The fullness. Certains ont déjà une dose. Some have just a part. Certains ont déjà quelque chose. Some have a portion. Je te conseille dans les quelques jours ici. But I'm advising you this few days. De chercher Dieu. To seek de God. De tout ton cœur. With all your heart. Je te conseille. I'm advising de chercher you la vie. To seek life. Si tu avais une portion. If you had one portion. Monte. Go up. Si tu avais assez. If you had enough. Monte encore. You can go up again. Et si tu étais plein. And if you are full. Déborde. You can overflow. Cherche quelque chose. Look, seek for qui something. Va te permettre. Which will help you. De partager avec les voisins. To share with your neighbor. Si tu n'as que le peu que if tu as besoin. If you have the small which you need. Tu ne sauras pas déverser chez les voisins. You will not know how to overflow to others. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la vie. We need life. En Jean chapitre 6. In John chapter 6. Verset 63. Verse 63. Il est écrit. It's written, la parole que je vous ai dite. And the word which I have spoken to you. Est esprit et vie. Is spirit and life. Vous captez ça? You get that? La parole que je vous ai dite. And the word I've announced to you. Est esprit et vie. Is spirit and life. Ça dit quand je parle ici. It means when I'm speaking de here, la part de l'Éternel. Called by God. Il y a un couloir. There is a il y a stream, un tuyau. There is a stream, a channel, qui est branché au trône de Dieu, which is connected to the throne of et God, qui distille la vie, and which brings up life, la Zoé, the Zoé, la vie de Dieu, the life of God, et qui passe par moi, and which passes through me, et qui est en train d'être de vous être communiqué. And now communicated to c'est you. Lui qui l'écoute, the one who hears the de word, tout son cœur, with all his avec heart, un cœur disposé, with the heart which is ready, est en train d'accumuler. Is receiving. Il est en train d'accumuler. Is receiving. De cette vie. From that life. Et plus tu en as. The more you have. Plus les ténèbres s'en vont. The more also darkness goes out. Moins tu en as. The less you have. Plus les ténèbres viennent. More also the darkness will be et les ténèbres. And the darkness. La Bible dit. The Bible says. Ne régneront pas toujours. The darkness will never reign forever. Sur la terre où il y a maintenant. On the earth. Des tribulations et toutes sortes de choses. Where there are tribulations, many things. Mais pourquoi? Why? Parce qu'un enfant nous est né. Because a son, a child is born. Un fils nous est donné. And a son is given to on us. On l'appellera admirable. He shall be called conseiller. The Dieu puissant. Père God, éternel. Everlasting Father. Parce que ce fils-là. Because that son. Est la vie. Is life. Il a dit lui-même. He said himself. Je suis le chemin. I am the way. La vérité. The truth. Et quoi? And. And. Et la life. Vie. Comme je suis la vie. As I'm life, les ténèbres ne régneront pas toujours. Darkness will never reign forever. Ma prière est que les ténèbres cessent de régner dans my ta famille. Is that darkness will never à partir de ce soir, from this evening, que ces ténèbres qui t'ont encombré jusqu'ici commencent à partir. Start leaving you. Parce que la vie est dedans. Because life is there parce que inside. Tu es en train d'accumuler la vie. Because you are receiving parce life. Que tu es venu aux sources de la vie. Because you've come to the source of que life. Les ténèbres reculent. And darkness will be going on chante back. Des cantiques en français, les ténèbres. Reculer. Vous connaissez? So the darkness have gone. Les ténèbres reculent. Darkness is taking off. Parce que la vie vient. Because life is coming. Reçois cette vie ce soir. Receive that life this evening. Alléluia. Amen. Il est écrit. It is written. Dans Jean chapitre 11 verset 25. John 11, 25. Jésus dit. Jesus said, je suis la résurrection. I am the resurrection. Et la vie. And life. Celui qui croit en moi. Whoever believes in me. Vivra. shall live. Même quand il serait mort. Even when he was being je dead. Je suis la résurrection et la vie. I am the resurrection and life. Bwana sifiwe. Praise the Lord. La résurrection et la vie. The resurrection and life. Qui dit résurrection dit qu'il y avait mort. Whoever speaks about the resurrection means that someone was dead. Mais quand la vie contacte la mort, but when life comes in contact la résurrection with death, se produit. Resurrection is done. Que les choses qui sont mortes dans ta vie ressuscitent ce soir. May the things which are dead in your life be resurrected in Jesus' Alleluia. Name. Amen. Alleluia. Amen. C'est cette vie, frères et sœurs, is that life, brothers and sisters, que Adam a perdu. Which Adam lost. Dieu dit à Adam. The Lord said to Adam. Dans Genèse 2:17. In Genesis chapter 2 verse 17 that you'll never eat de l'arbre la connaissance du bien et du mal. From the tree of the knowledge of the truth. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. The time you'll eat from it you'll die. Malheureusement. Unfortunately. Au chapitre 3. Chapter 3. Adam mangeait. Adam ate. Eve a mangé. And Eve ate. Et ils ont été chassés de la présence de Dieu. And they were chased out of the presence of God. En fait, ils sont morts. It means they were dead. La mort dont Dieu avait parlé, the death which God spoke about, s'est produite. It was done. Ils se sont retrouvés nus. They found themselves naked. Ils ont constaté qu'ils sont nus. They understood that they were naked. Qui vous a dit que vous êtes nus? Who told you that you were naked? Lorsqu'ils disent cela au Seigneur, when they said that to the Lord, le Seigneur comprend. The Lord understood. Que en effet, that truly, ils ont activé la mort. They have activated death. Ils ont perdu la vie. They have lost life. Et il leur dit, and he told them, qui vous a dit que vous êtes nus? Who told you that you are naked? Et la femme dit, and the woman said, et Adam dit, and Adam said, la femme que tu m'as donnée, the woman you took a pris de l'arbre. She took from the fruit elle of m'en a donné. That tree and gave to me. J'en ai pris. I took it. Nous sommes venus nous cacher. And we've come to hide qui vous ourselves? Dit de vous cacher? Who asked you to go and hide yourself? Frères, sœurs, brothers and sisters, là où il n'y a pas la vie, where there is no life, on a envie de se cacher. You shall need just to hide yourself. Quand tu n'as pas la vie, when you don't have life, tu vas chercher à te cacher. You'll be hiding yourself. Quand il n'y a pas la vie, when there is no life, il y a la honte. There is shame. Avez-vous déjà remarqué? Have you ever seen que même dans le domaine des affaires, even doing business, lorsque les affaires perdent la vie, when the business loses life, et que tu es tombé, and then you have fallen, qu'est-ce que tu fais? What do you do? N'est-ce pas que tu as envie de te cacher? You just need to hide yourself. Vous avez même observé certaines sœurs. You have seen even some sisters. Ils considèrent le mariage comme la vie. So they take marriage as life. Et quand le mariage ne vient pas, so when marriage does not come, elles essayent de vivre une vie où elles se cachent. They try to live their own life by hiding themselves. Elles ne veulent pas aller là où il y a les autres. I don't want to go where people are gathered. Surtout quand c'est un groupe de femmes qui sont mariées. And mostly when they are women which are married. Elle a tendance à se mettre de côté. She just want to put herself lorsque aside. La vie manque, when you lack life, on va se cacher. You'll be hiding yourself. Mais lorsque la vie arrive, but when life comes in, on va se présenter. You'll present yourself. Quand le mariage vient, when marriage comes, on se présente. You present yourself. On va à l'église. You come to church. On dit, bana sifi, you say, oh, praise the Lord. Alléluia. Amen. Lorsque les affaires marchent, when the business is going on, malheureusement, unfortunately, à cause de l'égoïsme, because of selfishness, les gens qui sont riches se cachent. People who are rich, they certains. Hide themselves. Mais ce qui a été, celui qui a été dans la pauvreté, but whoever was going into poverty, et qui est venu à la moquette pour demander la bénédiction, and you came to be prayed for and to et lorsque Dieu le sort de l'absence de cette vie financière, when God takes him out of poverty, qu'est-ce qu'il fait? What does he do? Il vient à l'église. He comes in the church. Et il dit, Bwana sifiwe. And he says, praise the Lord. Vous pouvez regarder là dans le parking. You can just look there at the parking. La chose bleue là. That the blue thing which is there. En tout cas. You're truly, on a envie de parler. Lorsqu'on a la vie. When you have life, on a envie de parler. You just have the desire to speak. Lorsqu'on a la mort. When you have death, on a envie de se cacher. You just need to hide yourself. Que ce soir. This evening, cette semaine. May this week, frère, cherche la vie. Sister, seek for life. La vie. life. Mais il y a vie et vie. But there is life and life. Il y a la vie ordinaire. There is ordinary life. Et il y a la vie effective. And also effective life. Il y a la vie abondante. There is abundant life. Il y a la vie pleine. A plentiful life. Qu'est-ce que c'est que l'abondance? What does it mean to say to speak about abundance? En grec, abondance veut dire. In Greek, abundance means. Periseia. Periseia. Ou alors. Or also. Plousia. Plousia. Qui veut dire pleinement. Which means plentiful. Qui veut dire plénitude. Which means abundance. Ça veut dire aussi pléanazo. It means it's also pléanazo. Qui veut dire se multiplier. Which means which multiplies. C'est-à-dire quand on dit que je suis dans l'abondance. When you say that I'm in abundance. L'abondance en question. That abundance. Ne consiste pas à des stocks. It's not just a stock of things. Des stocks qu'on dépose au-dessus des autres. Or things which you come and put in a store. L'abondance. But at abundance. C'est une vie. It's life. L'abondance. Abundance. C'est quelque chose. Is something. Qui est vivante. Which is alive. Un peu comme Pierre dit. Like Peter said. Nous sommes des pierres vivantes. That we are living stones. Comme Jésus-Christ. As Jesus Christ. La pierre vivante. Who is the living stone. La vie. Life dans une pierre. In a stone. C'est une vie vivante. It's a life which is alive. Vous voyez ça? You see that? Une vie vivante. A life which is alive. Une vie active. Life which is active. Une vie créative. Life which can create. C'est pour cela. That's why. Que lorsque la vie a cessé en Eden. When life stopped in Eden. Lorsque la vie cesse en Eden. When life ceased or stopped in Eden. Les plantes qui produisaient des fruits ont commencé à produire des épines. All the trees which produced fruits, that's producing thorns. C'est-à-dire même l'environnement a commencé à souffrir. It means that even the environment started to go through problems. De la vie. Because of the absence of life. De l'absence de la zoé. Because of the absence of zoé. Les choses ont commencé à se compliquer. Things became complicated. Dieu dit à Adam. And God told Adam. À la sueur de ton front tu mangeras. From the sweat of your forehead you eat. Adam, which means Adam, comme tu viens de perdre la vie, as you've lost life, la fertilité dans le sol fertility on the ground est finie. It's done. Quand Adam était plein de vie, when Adam was full of life, la vie qui était en lui the life which was in him influençait même le sol. Was even contaminating or influencing mais the quand ground. La vie a disparu, but when life disappeared, à cause du péché, because of sin, même la terre even the ground, a compris que nous sommes fauchés. The soil understood that il y a we are quelque dry. Chose qui vient de partir. That something has gone. Il y a un potentiel that there is a potential de fertilité of fertility qui vient de partir which is gone parce que quelqu'un a péché. Because someone has sinned. Vous voyez. You see lorsque that, nous péchons, mes frères, every time we sin, brothers and sisters, qu'est-ce que nous ne perdons pas? What don't we lose? Quelqu'un a dit le péché appelle le péché. Someone said that sin calls upon sin. Lorsque tu pèches, when you sin, tu perds la vie de Dieu. You lose God's et quand life. Tu perds la vie de Dieu, when you lose God's life, le diable rôde comme un lion rugissant. The devil will come there roaring as a lion, cherchant où habiter, seeking for where to dwell. Là, lorsqu'il trouve qu'il n'y a plus de vie ici, when he found that there is no life here, le diable vient y habiter. The devil will come and stay et quand there. Le diable vient y habiter, when the devil comes and stays la fertilité part. Fertility will la fécondité go. Part. Productivity will go. La bénédiction part. Even the blessings will flee. Et les choses deviennent noires. And things become dark. Conséquence, on se cache. And now, as consequence, you go and hide yourself. Dans le proverbe, il est écrit. In Proverbs, it's written. Quand les justes s'accroissent. When the righteous are multiplied. Le peuple est dans la joie. All the people are in joy or happiness. Proverbe 29, verset 2. Proverbs chapter 29, verse 2. Le peuple est dans la joie. All the mais people. Quand les méchants prospèrent, but quand when les the, méchants augmentent. But when the wicked multiply. Il est écrit. It's written, chacun se cache. Everyone hides himself. Lorsque les méchants se multiplient, when the wicked are multiplied, la vie part. Life goes. Lorsque les justes se multiplient, when the righteous multiply, la vie vient. Life comes in. Et quand la vie vient, and when life comes in, tout le monde sort de son trou. Everyone comes from his hiding place. Tout le monde sort de sa cachette. Everyone comes out from his hiding place because this life. Vous voyez dans nos pays africains. It's in our African countries. Lorsqu'il y a des dictatures à gauche et à droite. When there is dictatorship and the left and right. Et lorsqu'on apprend qu'un dictateur n'est plus. And when they understand that. Comment les gens font? Ils sortent dans les rues. People come in their, avec les mandalas là. With their leaves up, celebrating. Quand les méchants disparaissent. When the wicked disappears. Le peuple est dans la joie. All the people are happy. La vie revient. Life comes back. Mais quand ils se multiplient les méchants. But when the wicked multiply. Chacun se cache. Everyone hides himself. Or ce soir, j'ai en face de moi des hommes et des femmes evening, qui ont soif de la vie, qui seront remplis de vie, qui vont distribuer la vie, qui veulent en avoir en abondance, afin qu'à partir de maintenant, les ténèbres qui étaient autour d'eux s'en aillent et que les gens qui avaient fui commencent à revenir. Imaginez quand vous avez un voisin méchant. Imagine when you have a wicked neighbor. Chaque fois qu'il sort de sa clôture, every time he comes from out of his house, les enfants se cachent. All the children run away. Et il y a un nouveau locataire. And there is a new tenant. C'est un homme de bien. It's someone who is a good rempli person, de Dieu. Filled with God. Comment vous faites? What do you do? Quand vous sortez, when you come out, vous avez tendance à les saluer. You even need to greet him high. Il y a la vie. Because there is life. Quand il y a un homme sans la vie, when there is someone who is dead, quand vous sortez, when you come out, vous faites un effort de regarder ailleurs. You do your best to look aside without looking at him. De peur qu'il ne vous jette un bois qu'est là. So that he may not even curse you. De peur qu'il vous frappe. So that he may not fight against you. Parce que dans lui, because in him, il n'y a que la mort. There is life, death. Écoute, frères et sœurs. Listen, brothers and sisters. Tu es venu à Kampala. You have come here in Kampala. Non pas pour t'amuser. Not to joke. Tu es venu en Ouganda. You have come here in Uganda. Non pas pour passer le temps. Not to waste time. Pas juste pour étudier à l'université. Not just to study in the university. Pas juste pour faire les affaires. Not just to do business. Tu es venu ici. You have come here. Pour apporter la vie. To bring life. Et la vie effective. And effective la life. La vie abondante. Abundant la life. La vie vraie. The true la life. Zoé. The Zoé. Les hommes sont autour de nous ici. Men are around us. Ils sont dans les bus. They are in buses. Ils sont dans les marchés. They're in the markets. Ils sont dans les avenues. They're in the avenues. Ils sont partout. They're everywhere. Ils ont besoin de la vie. They need life. Ils cherchent la vie. They are seeking, looking ce for life. Ce qu'ils cherchent sans le savoir. What they are looking for c'est la vie knowing. Dont tu as. The life which you have. C'est la vie que tu possèdes. The life which you have. Alors, dégage cette vie. Now you need to give out that libère life. Libère cette vie. Just leave it free. Vends la vie. Give it to others. Jésus a dit. Jesus said, venez acheter sans argent. Come and buy without money. Vendez sans argent. Sell without money. Jésus dit. Jesus said, à Marie, à Joseph. To Mary and Joseph. Ne saviez-vous pas? Didn't you know que je devais m'occuper des affaires de mon père? That I was supposed to take care of the things of my father. Il a dit de quoi de son père? What did he say? Hein? Des affaires de mon père. The business of his father. Du commerce de mon père. Or the business of my mais father. Mais c'est un commerce où on vend sans argent. It's a business where you sell without asking for mais money. Mais nous vendons quoi? What do we sell? Nous vendons la vie. We sell life. Mais comment vendras-tu quelque chose que tu n'as pas? How will you sell whatever you don't have? As-tu la vie? Do you have life? Ce soir, this evening, il se peut que tu n'as pas encore la vie. Maybe you don't have yet nous life. Nous attrapons cette vie lorsque nous nous convertissons. We receive that life when we lorsque tu donnes ta vie again. À Jésus. When you give your life to lorsque Jesus. Tu reçois Jésus. When you receive Jesus. En lui était la vie. In him there et was la vie life. Était la lumière and des hommes. Lorsque tu reçois Jésus. When you receive Jesus, tu reçois la vie. You receive life. Et quand la vie rentre en toi. When the life comes tu back peux to commencer you, les business. You start the business. Tu peux commencer les affaires. You can start the business. Tu es un distributeur. You can distribute. Tu arrives à gauche, tu donnes. You come to the left, tu arrives à droite, distribute. Tu donnes. You to the right, tu arrives au nord, tu répands. You to the tu north, distribues la vie. You distribute life. Tu vends la vie. You sell life. Sans argent. Without asking for money. Alléluia. Amen. Lévons-nous, on va prier. Stand up, we are going to pray. On m'a dit qu'on termine à 19h. We said we are going to close at 7 p.m. J'aimerais que quelqu'un prie. I want that someone prays. On va continuer avec ces choses demain. We shall continue with these things tomorrow. Mais j'aimerais que tu pries. I want you to pray. Il se peut que tu n'as même pas encore donné ta vie à Jésus. Maybe you haven't given even your life to Jesus. Je te donne l'occasion ce soir. I'm giving you the opportunity this evening. Il se peut que tu as donné ta vie à Jésus. Maybe you gave your life to Jesus. Mais le péché est revenu avec les ténèbres et ils ont tout dissipé. But sin came with darkness and took over and everything gone. Le péché a dissipé la vie. So the sin Adam avait la vie life. Au départ. Adam had life in the beginning. Mais quand il a péché, but when he sinned, la vie a disparu. Life disappeared. L'environnement a été affecté. And the environment became affected. C'est possible que ta famille est affectée par l'absence de la vie. It's possible that your family may be affected because of the absence of life. Tu vas prier le Seigneur. You shall pray to the Lord. J'aimerais que tu pries dans ta langue. I want you to pray in your own language. Ne prie pas en anglais. Don't pray in English. Parce que quand on prie en anglais, because when you pray in English, c'est encore prophétique. So it's still prophetic. Et on a l'impression que le voisin va m'écouter. You have the impression that someone is going to get me to Mais hear. Prie dans ta langue. But pray in your own language. Si tu veux prier en français, prie en français if ou en Swahili. If you want to pray in English, in Swahili, in Chiluba, ou à Luganda. In Luganda. Prie à Luganda. You can pray in Luganda. Mais dis au Seigneur. But tell the Lord. Cette semaine, that this week, j'ai besoin de la vie. I need life. Cette semaine, this week, je ne veux rater aucune minute. I don't want to miss Commence even one à prier minute. Le Seigneur. Start praying the Lord in the Commence name of à prier. Jesus. Start praying.